Vous allez en Allemagne se dit Sie fahren nach Deutschland. Nach signifie après ou vers. Et comme il est peu probable que vous alliez en Allemagne à pied, on emploie fahren et non gehen. Sie fahren nach Deutschland ou nach Österreich, en Autriche. Sie fahren nach Österreich, Sie fahren nach Wien. Vous allez en Autriche, vous allez à Vienne. Zum Beispiel, par exemple, Beispiel signifie exemple, Spiel, das Spiel, c'est le jeu, et spielen, jouer, comme dans jouer d'un instrument, par exemple, Klavier spielen, jouer du piano. Donc, zum Beispiel signifie par exemple. Jetzt sind Sie zum Beispiel in Wien. Vous êtes maintenant à Vienne, par exemple. Und man fragt Sie. Fragen signifie demander. On vous demande. Man fragt Sie. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Comment diriez-vous depuis combien de temps êtes-vous ici? Depuis combien de temps? C'est-à-dire comment longtemps? Wie lange? Wie lange? Wohnen Sie? Je n'ai pas dit depuis combien de temps habitez-vous ici, mais êtes-vous ici? Sind Sie? Bien. Wie lange sind Sie hier? Oui, c'est ça. Wie lange sind Sie hier? Wie lange sind Sie schon hier? Depuis combien de temps êtes-vous déjà ici? Donc, ici, on a le présent Sie sind, vous êtes. Pour plonger dans le passé de sein, être, il faut partir du plongeoir être. Donc, vous avez été se dira Sie sind gewesen. Et j'ai été Ich bin gewesen. Nous avons été Wir sind gewesen. Donc, si vous restez à un endroit, on peut vous demander Où avez-vous été? Se dira Wo? Wo sind Sie gewesen? Bien. Wo sind Sie gewesen? Et maintenant, comment diriez-vous Où étiez-vous? Wo? Wo waren Sie? Wo waren Sie? Oui, et encore une fois, depuis combien de temps êtes-vous ici? Wie lange sind Sie hier? Bien. Wie lange sind Sie hier? Depuis combien de temps êtes-vous déjà ici? Wie lange sind Sie schon hier? Wie lange sind Sie schon hier? Depuis combien de temps êtes-vous déjà ici? Comment diriez-vous je suis là depuis déjà 3 semaines? Depuis 3 semaines, c'est seit 3 Wochen. Seit 3 Wochen. Ich bin hier schon seit 3 Wochen. Ich bin schon seit 3 Wochen hier.